Les réactionnaires japonais se joignent aux actes téméraires des États-Unis visant à provoquer une guerre dans la péninsule coréenne tout en aggravant extrêmement la situation afin de réaliser leur but malsain. À ce propos, l'Institut asiatique du Centre d'études des problèmes internationaux a publié le 16 un écrit qui dit « Depuis le début de l'année, les autorités japonaises, Abe en premier lieu, ont profité de toutes les occasions et moyens comme dialogue téléphonique et pour parler avec le président américain, périple au Japon du vice-président américain et négociations tenues à Tokyo avec les États-Unis et la Corée du Sud pour taxer notre nucléaire et le tir de notre fusée de menaces graves pour la paix et la sécurité mondiale et insister sur le renforcement extrême de la pression sur notre République. » En mars et avril dernier, les États-Unis ont livré les manœuvres américaines sud-coréennes Kiri Resolve et Aigle 17, simulacres de guerre nucléaire sans précédent pour l'envergure, l'intensité et le mode d'application, dans le but d'intensifier au maximum la pression militaire en nous menaçant de choix militaires et d'attaques préventives. Le Japon n'a pas tardé à les soutenir avec enthousiasme et les politiciens, sans parler du ministre de la Défense, ont réclamé l'expédition des forces d'autodéfense pour le sauvetage des Japonais en Corée du Sud, tout en révélant ouvertement leur tentative de réagression de la péninsule coréenne. Le pire, c'est qu'ils effectuent les exercices communs maritimes et aériens avec la flottille de frappe de porte-avions américains présente dans le parage de la péninsule coréenne, voire engagent les manœuvres conjointes avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France pour ainsi s'apprêter à rejoindre les forces alliées conduites par les États-Unis en cas de guerre dans la péninsule coréenne. En applaudissant la politique de guerre des États-Unis contre la Corée, la réaction japonaise maximise le bruit de notre menace et celui de crise dans la péninsule coréenne. Elle vise ainsi d'abord à préparer un prétexte pour la montée en puissance militaire et la réalisation de l'ambition d'expansion d'outre-mer. Elle vise encore à réaliser un boom économique comme au temps de la dernière guerre de Corée et à détourner l'attention du public japonais vers nous afin de calmer le climat anti-Abe et de créer l'ambiance favorable à la prise de pouvoir à long terme. Si les autorités japonaises se font insensément trop de chocs dans l'accomplissement de la politique d'hostilité des États-Unis vis-à-vis de la Corée, en rêvant absurdement d'une vague de prospérité comme du temps de la dernière guerre de Corée, elles ne subiront que la défaite dramatique devant les coups impitoyables de nos forces armées révolutionnaires qui réduiront en cendres tout le territoire japonais. Tous les pays progressistes et peuples du monde sont appelés à redoubler de vigilance sur les démarches de révision au mal de la Constitution et de militarisme des autorités japonaises qui embellissent leur histoire criminelle et à mener plus énergiquement la lutte pour les déjouer.